Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 novembre 2021. Voici les grands titres d'abord. Plus de 500 candidats à travers le pays ont passé ce samedi le test intellectuel d'entrée à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. La liste des candidats retenus sera rendue publique le 16 décembre prochain. D'autres précisions avec le porte-parole de l'armée burundaise. Et les filles sont appelées à prendre le devant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Un conseil donné par Dr Gaël Gapasoni ce vendredi à Muyinga dans un atelier de sensibilisation organisé par l'Association des guides du Burundi. Le Burundi ne compte que 5 médecins urologues, un grand défi pour le traitement du cancer de la prostate notamment, comme l'a déclaré hier Dr Shabani Marebo au cours d'une conférence de sensibilisation sur cette maladie. Et à la fin de ce journal, Mireille Kanyangé me rejoindra au studio pour vous présenter le journal des journaux, j'ai nommé la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Plus de 500 candidats à travers le pays ont passé ce samedi le test intellectuel d'entrée dans la catégorie des officiers de la Force de défense nationale du Burundi au niveau national. Le porte-parole de l'armée burundaise précise que plus de 40 candidats, dont 5 filles, l'ont passé à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM de Bujumbura. Le colonel Floribert Biyereke signale que la liste finale des candidats retenus sortira le 16 décembre de cette année. On l'écoute. Les gens qui sont concernés par ce test, ce sont des diplômés de 2020 qui ont généralement reçu le diplôme admis dans les institutions universitaires publiques. Le nombre des gens qui se sont fait inscrire sont 538 et parmi ceux-là, on dénombre 38 filles. Toutes les ethnies sont représentées, mais ici on pourrait dire que pour l'ethnie Twa, on a seulement eu un seul candidat. Le test va porter sur trois matières, à savoir les mathématiques, le français et l'anglais. Le 7, quand on aura terminé ce test intellectuel, on va procéder à l'affichage des résultats pour que ceux qui ont à réclamer puissent le faire dans les délais. Le même jour, on va procéder à la passation du test physique. Quand on aura achevé ce parcours, le 11, on va afficher cette fois-ci la liste des candidats qui auront été retenus. La liste est définitive. Mais la liste qui va montrer les gens qui ont été retenus à propos parler sera affiché le 16. Quand on aura achevé ce parcours, on va procéder au ramassage des candidats à partir de leur province de provenance. Ils seront acheminés jusqu'à l'ISCAM où ils auront cette fois-là à passer et notre test médical. Et ce test médical va déterminer en fait le nombre de gens qui seront retenus pour commencer le processus d'apprentissage, le processus de familiarisation avec l'armée. Le colonel Floribert Huyéric. Il se remarque dans les cas d'enlèvement des simulations liées aux intérêts. Affirmation faite par le porte-parole du ministère qui donne ses attributions à la sécurité au cours d'un point de presse ce samedi. Pierre Nguriquier a montré à la presse une personne qui a simulé un enlèvement. Le porte-parole invite les Burundais à s'adresser aux services habilités en cas d'absence de personne. Les raisons de l'absence d'une personne dans une société, dans une communauté, peuvent être nombreuses. Ce n'est pas nécessairement toutes les fois dans l'enlèvement. Et le cas, l'enlèvement, oui, il peut exister. Et c'est même une infraction qui est prévue et punie par le code pénal burundais. Mais même dans le cas d'enlèvement, il peut y avoir des simulations juste pour des intérêts de ceux qui font cette simulation. Et l'exemple le plus parlant est celui de cette personne qu'on vient de vous présenter qui a simulé un enlèvement juste pour gagner de l'argent, a adressé un message à son épouse pour lui dire qu'elle était enlevée et par des personnes qu'elle ne connaissait pas, qu'elle était bandée et qu'elle se trouvait, avait été emmenée dans un endroit inconnu. Le message principal que nous voudrions adresser au Burundais, c'est que quand quelqu'un est au courant de l'absence d'une personne, il est invité à s'adresser aux services qui sont compétents. Et notamment, ici je précise les services de police, les services des autres corps de défense, la justice, et l'administration, les membres des comités mixtes de sécurité humaine. Vous savez que tous ces services sont représentés, même jusqu'au niveau des collines. Santé, à présent, le cancer de la prostate est une maladie qui peut ne pas présenter aucun symptôme chez le malade. Précision du docteur urologue et cancérologue Chabani Marebo. C'était dans une conférence de sensibilisation sur cette maladie. L'un des défis dégagés dans cette conférence pour faire face à cette maladie est qu'il n'y a au Burundi que 5 spécialistes urologues qui peuvent traiter les malades. Suivez docteur Marebo. C'est un cancer qui peut évoluer en 4 stades. Habituellement, il n'y a pas un symptôme spécifique pour le cancer de la prostate. Dans les 2 premiers stades, aucun symptôme. C'est le malade qui vient sans aucun symptôme. Puis on a fait un examen et on suspecte un cancer de la prostate. Et quand on prélève des prélèvements au sein de la prostate, on découvre un cancer de la prostate. Mais dans les 2 derniers stades, ça veut dire stade 3 et stade 4, dans ce cas-là, le patient peut avoir des signes urinaires. C'est un patient qui urine beaucoup de fois la nuit. C'est un patient qui ne peut pas se patienter avant d'aller uriner. C'est un patient qui peut même être bloqué, avoir un blocage au niveau des urines et avec une impossibilité de d'uriner. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment au stade beaucoup plus avancé. Et parfois, il y a d'autres signes, par exemple des douleurs au niveau des os, non, comme les os du bassin, les os de la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, c'est un patient qui arrive avec des douleurs atroces. Mais en général, il n'y a pas vraiment un symptôme, un signe qu'on peut dire que voilà, ça c'est un signe de cancer de la prostate. Au Burundi, la maladie est traitable. Et non seulement traitable, d'abord, il faut d'abord le diagnostiquer. Et je me dis qu'au Burundi, le diagnostic du cancer de la prostate est tout à fait possible à 100%, sans aucun problème. Et même pour le traitement, il y a plusieurs types de traitements de cancer de la prostate. Et dans plus de 90% de types de traitements, ici au Burundi, c'est faisable. Donc, je peux même interpeller la population de se faire soigner sur cette maladie, le cancer de la prostate, même ici, localement, au Burundi, sans aucun problème. Docteur Chabani Marebo, il est urologue et cancérologue. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nouvelle de Provence, à présent, les filles devraient être les premières à lutter contre les violences basées sur le genre. Docteur Gaël Gafasoni l'a déclaré ce vendredi à Muyinga. Dans un atelier de sensibilisation organisé par l'Association des guides du Burundi à l'intention des jeunes filles de différents groupes et associations qui affirment que l'atelier leur a été bénéfique. De Muyinga, nous appelons notre correspondant Pierre Claver Barundi. Les jeunes filles doivent prendre le devant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dr Gaël Gafasoni, chargé de la formation au sein de l'Association des guides au Burundi, l'a annoncé à Muyinga ce vendredi dans un atelier de sensibilisation qui a regroupé les jeunes filles de différentes sensibilités politiques et associations. Le mouvement guide bien l'Association des guides du Burundi. Notre première mission, c'est de développer les connaissances bien le bien-être des jeunes filles. C'est pourquoi on est en train d'élargir notre zone d'action, non seulement chez nos guides, mais aussi aux autres jeunes filles de différents partis politiques, de différents mouvements d'action catholique ou bien de différentes associations. Parce que c'est à elles de commencer à combattre et puis les autres vont les rejoindre. Gaël Gafasoni précise le message que visait cet atelier. Le message qu'on est en train de transmettre aux jeunes, c'est d'abord qu'est-ce que c'est les violences basées sur le genre. Après avoir compris la définition, il faut qu'elles comprennent aussi quelle classe de violences basées sur le genre existe-t-il. Et aussi, une autre chose, c'est qu'elles connaissent s'il y a une violence basée sur le genre qui s'est manifestée dans la société ou bien même sur elle-même, quelle attitude prendre, sur qui s'appuyer ou bien aller dénoncer ces personnes et aussi leur rôle dans la réduction et dans la prévention de ces violences basées sur le genre. Certaines filles ont déclaré à la radio Isanganiro que cette activité leur a été bénéfique. J'ai appris que moi-même, je peux lutter contre ces violences et je peux dire aux autres comment faire. Nous avons gagné qu'il y a des centres qui prennent en charge les victimes. Il y a d'autres informations que nous avons vues, qu'il y a beaucoup de violences basées sur le genre. Il y a la violence sexuelle, il y a la violence basée sur un homme vers sa femme, qui la traumatise, ainsi de suite. J'ai gagné comment traiter les femmes ou les filles qui ont subi la violence sexuelle. Tout le cas arrive, que comptez-vous faire? Je prends la personne pour aller à l'hôpital. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre des 7 jours d'activisme visant la lutte contre les violences basées sur le genre. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. De Muyinga Cap maintenant sur Bubanza, les plantations de pinus se trouvant sur certaines collines de la commune Rugazi dans cette province de Bubanza sont menacées par des gens qui creusent des troncs et enlèvent les morceaux de bois vendus dans les marchés et qui servent à allumer le charbon. Les habitants de Rugazi craignent que ces plantations risquent de disparaître si rien n'est fait pour renforcer le gardiennage. Les responsables administratifs ainsi que ceux chargés de la protection de l'environnement disent être au courant de ce problème et qu'une solution est envisagée. Spes Caritas Kabanyana. Ces plantations de pinus sont surtout menacées sur les collines de Kibuye, Rugazi, Nyengarange et autres selon les habitants proches. Les personnes qui creusent ces arbres sont des familles vulnérables, y compris des batois selon l'administration locale. Les autres viennent d'autres provinces comme Kayanza et Muramvya à travers la forêt de la Kibira. Ils creusent ces pinus pendant la nuit selon les témoins sur place. En creusant ces arbres, ils enlèvent de petits morceaux de bois appelés otuzuku, qu'ils vont vendre dans des centres à ceux qui les utilisent pour allumer le charbon. Les pinus déjà creusés n'ont plus de force et tombent quand il y a le vent, selon les habitants de cette localité qui disent que ces plantations peuvent disparaître si rien n'est fait pour renforcer la protection plus qu'elle l'est actuellement. Les administratifs contactés, de même que les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, précisent que ce problème est connu et qu'il ils sont en train de voir comment le résoudre. Le chef de zone Rugazi, contacté par téléphone, nous a expliqué que même ce samedi, les gens qui étaient en train de creuser ces pinus ont pris le large quand ils voulaient les attraper. Spes Caritas Kabanyana, Rubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, on termine ce petit tour de nos correspondants par Chivitoke où nous retrouvons Alexine Daïre-Guigi. Il nous rapporte que l'administration provinciale demande aux responsables des ménages faisant travailler les enfants mineurs comme domestiques de les envoyer à l'école avant les travaux domestiques. Un membre de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Fenadeb, quant à lui, contacté, il rappelle qu'il est interdit de faire travailler les mineurs dans des activités rémunératrices. Seulement, il demande à tout un chacun de s'impliquer afin que ses enfants puissent plutôt étudier. Alexis Ndaïlagic. Ces enfants mineurs, travaillant surtout comme domestiques, viennent souvent des provinces d'Ngozi, Kayanza, Karusi, Bubanza et d'autres venant de différentes communes de la province Chibitoke. À part le travail domestique, certains font le travail du commerce ambulant d'arracher des œufs. Presque tous ces enfants ont moins de 15 ans. Le conseil des gouverneurs de la province Chibitoke, ayant les affaires sociales dans ses attributions, Jean-Marie Chitegetse, demande aux chefs de ménage faisant travailler ces enfants de tout d'abord les envoyer au banc de l'école et de faire d'autres travaux domestiques après le travail scolaire. Certains parents de ces enfants travaillent comme domestiques, indiquent que la rémunération de ces enfants aide les familles, surtout que ces derniers sont souvent en état de pauvreté. Saïdi Aboumougisha, membre de la FENADEB, œuvrant pour le droit des enfants, fait savoir que ces enfants mineurs ne devraient pas exécuter des travaux rémunérables alors qu'ils sont toujours mineurs. Seulement, ils demandent aux responsables de ces ménages faisant travailler ces enfants d'assister les familles de ces enfants sans condition, puisque ces enfants font partie de l'avenir du pays. Depuis Chibitoke, OK, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis, il est 13h10 à Bujumbura et dans le reste de l'actualité africaine. Le processus du rapatriement du patrimoine culturel congolais ayant quitté le pays du temps de la colonisation belge entre dans une nouvelle phase. Belges et Congolais ont amorcé des échanges directs pour baliser le chemin et concilier les vues. C'est l'objet de la visite à Kinshasa du secrétaire d'État fédéral belge Thomas Dermin. Félix Tshisekedi, le président congolais, a annoncé samedi 20 novembre la création de la Commission nationale de politique commune sur le rapatriement du patrimoine culturel congolais. De son côté, la Belgique propose notamment la mise sur pied d'une commission mixte composée de façon paritaire des experts des deux pays, et ce, dès 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que plus de 500 candidats à travers le pays ont passé ce samedi le test intellectuel d'entrée à l'ISCAM, l'Institut supérieur des cadres militaires. La liste des candidats retenus sera rendue publique le 16 décembre prochain. Et les filles sont appelées à prendre le devant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Un conseil donné par Dr Gaël Gafasoni ce vendredi à Muyinga dans un atelier de sensibilisation organisé par l'association des guides du Burundi. Le Burundi qui ne compte que 5 médecins urologues. Un grand défi pour le traitement du cancer de la prostate, notamment comme l'a déclaré hier Dr Chabani Marebo au cours d'une conférence de sensibilisation sur cette maladie. Dr Marebo, il est urologue et cancérologue. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et c'est Eli Kadogo qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Et tout de suite, Mireille Kanyange me rejoint en studio pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. L'approche du dialogue social et communautaire, une nouvelle stratégie dans la lutte contre le paludisme, écrit l'agence burundaise de presse. Comme l'explique dans ce journal Jérémy Sindaikengera du Programme national intégré de lutte contre le paludisme, il s'agit d'impliquer plusieurs acteurs, à savoir les administratifs, les membres des corps de défense et de sécurité, les membres de la société civile, les membres des confessions religieuses et ceux du domaine de l'environnement, afin de conjuguer les efforts pour aboutir à la lutte efficace contre le paludisme par des réponses transversales. L'ABP précise que l'objectif de la vulgarisation de cette stratégie est qu'en 2030, il y ait zéro décès dû au paludisme et que pour arriver à cette fin, on va bientôt organiser la campagne « Zéro palud, je m'engage ». Selon toujours ce quotidien citant cette autorité du ministère de la Santé de la lutte contre le sida, l'approche du dialogue social et communautaire permet de favoriser la participation communautaire à la planification des actions visant à développer la perception d'efficacité personnelle sur les questions de la santé, d'encourager la communauté à s'approprier de la planification et à trouver des solutions aux problèmes de santé. Un test de vérification du niveau intellectuel de l'enseignant, bientôt organisé, rapporte Net Press. Il s'agit d'une décision de François Habyarimana, ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, dans un atelier de deux jours du 25 au 26 novembre 2021 qu'il a organisé à Gitega, à l'endroit des responsables de l'éducation au niveau provincial et communal, des représentants des syndicats dans le domaine de l'éducation et les représentants des parents. Il s'agit de voir s'ils ont mérité leur diplôme ou s'ils ont quelque chose à donner aux élèves, explique son confrère. Ce quotidien en ligne précise que lors de ce test, l'enseignant qui aura une note de moins de 50% aura une chance de faire un recyclage non payant pour faire par après le deuxième test. Pour ceux qui n'auront pas les 50% au deuxième test, ils seront remplacés par les chômeurs qui vont être recrutés à base d'un autre test. Même les directeurs seront soumis à ces tests parmi les enseignants, précise encore le ministre François Habyarimana, qui a fait savoir, rapporte toujours Net Press, que cette idée est venue de la retraite gouvernementale et qu'elle est irrévocable. Revue de la presse. Constructions anarchiques, à qui la faute ? S'interroge le journal Iwachu. En effet, depuis quelques mois, une vaste opération de démolition des constructions anarchiques est en cours. Le ministre de l'Intérieur a au départ souligné qu'il s'agit des constructions dans les 6 mètres près des routes principales et dans les quartiers viabilisés. En mairie de Bujumbura, fait remarquer son confrère, certains propriétaires ont préféré les démolir de leur gré pour sauver quelques matériaux. D'autres ont refusé d'obtempérer ou tout simplement n'ont pas eu le courage de démolir les maisons dans lesquelles ils se sont investis financièrement, physiquement et émotionnellement. Les psychologues interrogés par Iwachu craignent des séquelles terribles, des réels traumatismes. Le journal Iwachu cite un expert en planification et aménagement urbain qui estime que la désobéissance de certains habitants, le désengagement de l'autorité en distribuant les parcelles partout sans tenir compte de l'affectation prévue dans le schéma directeur de l'urbanisation, le manque de vulgarisation de la loi en matière d'urbanisme et d'autres dysfonctionnements sont à la base de l'anarchie que nous déplorons tous. Et au finish, tout le monde est coupable, répond l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu. Burundi Echo écrit que le Forum national sur le développement du Burundi, dernièrement organisé à Bujumbura, s'est clôturé sur une note positive. Au lendemain de ces assises, la rédaction de ce journal a publié en condensé des principales idées développées, thème par thème. Les experts ont passé au crible les secteurs clés comme l'agriculture, les mines, les infrastructures, l'éducation, la politique monétaire, la bonne gouvernance, l'éducation pour le développement du capital humain, etc. Pour ce confrère, il s'agit d'un événement qui montre la volonté du gouvernement d'impulser un changement en matière de développement économique. Mais tempère cet hebdomadaire socio-économique. Une certaine opinion estime qu'il faut joindre la parole à l'acte, sinon les efforts consentis seront vains. Ce confrère annonce en effet que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de ce forum, il est prévu une mini-table ronde avec les partenaires techniques et financiers durant la première quinzaine du mois de décembre. Et à l'agenda figure la gestion de l'aide publique au développement, précise Burundi Echo. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean Bosco Douimana. Restez branchés sur nos ondes.